chacun de nous s'en va, rappelé là-bas pour d'autres œuvres. Foulons la dune, humons le bois, cet inconnu qui nous manœuvre. Quand l'un de nous s'en va, se rebousculent les questions. Accumulés par tas devant la ligne de flottaison. Quand l'un de nous s'en va, quand l'un de nous s'en va, quand l'un de nous s'en va, s'en vient le peuple sur le pont. En un silence empli d'émoi, fixant à mer l'embarcation. Quand l'un de nous s'en va, il y avait la terre et la mer. Des pieds nickelés à Malaga, des coquillages sous le verre. Quand l'un de nous s'en va, quand l'un de nous s'en va. L'un de nous s'en va, la place forte montre faiblesse. Si la façade fait apparat, le vieux rempart ouvre une brèche. Quand l'un de nous s'en va, c'est un vieux veilleur qui nous quitte. Au bord d'un chemin droit tout droit, on sonnera encore sa musique. Quand l'un de nous s'en va, quand l'un de nous s'en va, s'en va.